Bien-aimés frères et sœurs, que la grâce, l'amour, la bonté, la puissance de Jésus-Christ soient sur vous tous. Nous comptons pour le privilège que nous gagnons, pour nous capables de retrouver nous encore ensemble, toujours autour de la table, avec Bible devant nous, constitution nous, cahier de notes nous, crayon nous, et que nous ouvrir pour nous recevoir les instructions de notre commandant en chef, le Seigneur Jésus-Christ. Nous sentons-nous contents pour le privilège que nous gagnons pour nous capables de rentrer la caillou. Et chaque fois que l'occasion s'est arrivée, nous faisons avec un pile la joie parce que nous connaissons que dans pied Jésus, nous venons pour nous joindre la parole qui donne la vie éternelle. Jésus t'a dit, Marie, ou choisis pi bon parti. Tu as choisi la bonne part, la meilleure. Qui parti lié? Chita nan pie met la pour prendre instruction la mel. Et ça fait nous remonter juste dans l'Ancien Testament. Côté bon Dieu parlait à Josué pour le dire Josué. Mettez parole ça toujours dans la bouche. Parole ça pas de jamais sortir dans la bouche. Méditez-le. Jour et nuit. Méditez-le. Nuit et jour. Pour capable, ouais, tout ça pour faire. Et c'est comme ça. Ou à remporter la victoire sur toute bagaille qu'on voulait entreprendre, c'est comme ça ou à porter succès dans tout ça que ou envie fait. Alors frères, sœurs, amis, ou même qui souligne ça, nous invitons ou pour prendre même disposition que bon Dieu dit Josué prend. Même disposition que Marie te prend en pied Jésus. Pour venir prendre instruction. Pendant période, nous pral faire ensemble, nous pral étudier sa constitution en dit concernant la famille. Et dans le menu, nous pral jouer dans le menu, dans le buffet pour nous manger pendant toute période là. Nous pral voir comment pour nous maintenir le standard du mariage malgré vents et marées. Quel que soit vent qui souffle, quel que soit tempête qui souffle, nous devons quimber standard mariage là, Jean bon Dieu te wel là. Nous toutes qui soulignent la soya. Nous toutes qui écoutent, connaissons déjà que le mariage, c'est pas une intention de l'homme. Le mariage, c'est pas un pays qui vient avec. Le mariage, c'est pas un gouvernement qui vient avec. Mais le mariage est venu de Dieu. L'idée mariage là même sorti dans bon Dieu. Et ça veut dire quel que soit l'homme besoin qu'on ait, qui sa mariage y est, c'est bon Dieu pour me demander. L'homme besoin qu'on qui genre mariage fonctionnait. C'est bon Dieu pour m'en demander parce que c'est lui-même qui fabricant. C'est lui créé mariage là et lui connaît qui gens pour mariage à fonctionner. Donc si mariage là gain pièce de réchange comme besoin, c'est lui-même tout qui gagne pièce originale yo. Donc c'est la main, c'est la caille pour me faire commandement, pour me ranger ça me pour manger. Donc nous parlons comment pour nous maintenir le standard du mariage malgré vents et marées. Là-dedans, nous parlons de découvrir qui défi qui gagne dans le mariage et qui privilège que le mariage-là lui offre nous. nous pral découvrir que mariage gen des privilèges mais gen défi là-dedans tout et en pile fois nous aimer courir dans privilège là sans nous pas ouais qui ligne pour nous suivre et nous pral ouais que Bible a pral dit nous tout bon série de bagaille l'on courir manger sans l'œil pour arriver au lieu le fort bien c'est gâté d'en haut donc nous pral ouais qui privilège qui gagne dans mariage là et m'a tout dit nous ça mariage c'est une institution que bon Dieu créé pour permettre nous vivre heureux vivre en paix vivre bien pour exprimer nous parlons ça un petit peu plus devant pour nous exprimer l'amour de Dieu et si nous pas rentrer là-dedans gens pour nous rentrer même programme ça même mariage ça li capable bon maladie qu'elle est capable bon toute qualité problème parce que ou pas rentrer là-dedans gens on doit rentrer là-dedans donc nous là pendant période ça pour nous éviter tout petit problème ça yo nous pas loin dans programme noir dans menu hein comment passer d'un mariage charnel à un mariage spirituel. Là, c'est un point important que nous pouvons découvrir. Des mariages qui sont très charnels et n'ont pas besoin de perdre l'esprit, nous, parce que nous tous déjà connaissons. Tout bagaille qui est basé sur la chair charnelle, les voue déjà à la destruction. Parce que le texte l'a dit, ceux qui sèment pour la chair moissonnent de la chair la destruction. Donc, nous allons étudier comment passer d'un mariage charnel à un mariage spirituel. La donne dans le programme noir, dans le plan pour le manger, lui parler nous de seule source conflit en dans une relation. La Bible montre nous, mais seulement ça qui baille conflit, qui fait moun fait colère, qui fait moun fâcher en dans relation, en dans mariage. Moi dis nous, si nous besoin qu'on qui gens pour nous réaliser tout programme mariage yo, c'est Bible pour nous à demander. Donc Bible dit nous, yon seul moyen, yon seul source de conflit. Donc si nous connaît, bah elle a dit un homme averti en vaut deux. Si nous connaît, mais seul source conflit ya, donc, n'a pas capable facilement éviter rentrer la donne. Dans le menu, hein, nous prenons l'autre plat. Lui parlez-nous des hommes frustrés, des hommes non responsables et des hommes non respectés. Des hommes frustrés, des hommes qui pas respectés, qui n'ont pas respecté, nous prenons qui dégâts ça fait. Et ça va nous aussi des hommes irresponsables. Donc, là, on met trois ensemble dans une plate. Nous allons voir qui ça va le bas. Des hommes frustrés, non respectés et irresponsables. Nous allons voir encore une autre plat. Des femmes épuisées, abusées, maltraitées et révoltées. Ça, c'est l'autre plat, encore une autre gros plat que tout le monde connaît. Des femmes qui pas capables encore, qui abusées, qui épuisées, des femmes qui maltraitées et finalement qui révoltées. Donc nous parlons qui tracasse à bail et l'autre plan nous parlons pour arriver avec deux saillots, c'est solution que bon Dieu portait dans problème mariage là et solution qu'elle portait dans problème financier mariage là. Et nous pouvons faire parler nous de banquet. Et en on aller dans en quitter banquet là, bon point plutôt, il y a un buffet. Le me rentrer dans un buffet, ba jambe mon a gourmet pour manger en dans buffet. Pour quelle raison? Parce que toujours gain manger. Si ça a fini, il vient renouveler. Donc pas jambe gain monde qui rentre dans buffet là pour a gourmet pour ces salles de veut prendre, l'autre la gagne à prendre l'avant. Ça a fini en écritant, nous venons remettre là encore. On buffait. Donc, bon Dieu voulait que mariage nous constamment roule tant qu'on buffait. Et nous voyons qui solution que bon Dieu pral porter au problème financier du couple. Gagnant et yon plat que nous voyons qui dit nous attention au syndrome d'Adam dans la maison. Ça, c'est un autre bon petit plat que nous allons manger qui parle non de syndrome d'Adam. Donc, alors, qui ça, ça veut dire? Et fais attention tout, on l'autre plaque tout près à l'esprit de Jézabel dans la maison. Il y a le syndrome d'Adam, mais bon côté, il y a l'esprit de Jézabel. Il y a tout ça, il y a un dans mariage là, un dans cas là. Donc, nous prenons chita pour nous travailler sur le programme ça, un dans menu noir. Ensuite, nous prenons les divorces silencieux. Gan pile moun ki divorce, hein? Sauf que divorce là, li pa prononcé sous papier et li pa et prononcé sous chair l'église là. Mais divorce ça la vive dans kay là, c'est des divorces silencieux. Nous pral découvrir qui ça lié, qui dégât ça fait et comment pour qui et méthode que bon Dieu ba nous pour nous résoudre problème divorce silencieux. Yo. Donc tout ça c'est ça nous pral wè en dans programme, nan dans menu que n'a pral manger ensemble. Nous pral wè les joies et avantages du célibat. Ah, nous parler à monde qui pour marier, yo connaît gagner en bonne et monde yo relé yo des célibataires endurcis. Alors nous parlons ouais qui joie qui gagne le nous célibataire, qui avantage ça gagne tout et ça va permettre nous entrer dans un autre sujet qui tout prélit qui dit les mariages à éviter. Là me songe jeune noyau. Donc m'inviter toute jeune noyau à ouais qui type de mariage pour nous éviter. C'est pas juste parce que nous temps des mariages nous courir entrer la donne, mais une série de mariages qui sait ça nous relé des cadeaux empoisonnés. Alors, Bible a parlé ba nous des clés pour nous éviter rentrer dans mariage ça yo, en un mot, éviter accepter dans la vie nous des cadeaux empoisonnés. Ensuite, nous parlons et les cœurs brisés, comment bon Dieu penser ses blessures, comment bon Dieu traiter problème ça yo. Et nous parlons qui moyen que Bible a mette à disposition nous pour nous capables nettoyer pleyo, penser blessures yo et aussi recevoir la guérison pour nous continuer à avancer. Donc nous parlons ça comme menu nous et réponse que bon Dieu pral bay à toute problème à l'intérieur du foyer. Comme moi dit nos amis, c'est un programme qui est assez riche, un programme qui est assez bon pour nous. Si nous venons sous l'île là à soya, m'invitez-nous pour nous continuer venir, nous continuer pendant toute durée période là pour que nous capables découvrir ça que bon Dieu gagne pour nous. Toujours songer le nous venir là, nous venir pour nous prendre des instructions. Donc notez yo. Et moi quoi nous tout qui souligne là soir là connaît déjà chaque fois qu'on tendez yon bagay pour la première fois, li paraît belle devant yo, mais li pas durer ou pas capter tout. C'est raison ça ou obligé continuer tendel. Et les spécialistes trouvaient que l'entendre un bagage au moins 7 fois, le ça est capable de capter tout message là, majeure partie de message là. Donc, qui ça nous voulait d'où là? M'inviter où? Pour joindre moyen pour capable continuer tendre paroles ça yo. C'est pour ça bon Dieu dit méditez yo, retournez sous lui. Pas oublier principe là. Pour yon bagay arrive nan kem, c'est nan kem décision après le sorti, m'ou obligé quitter le devant Dieu, quitter le dans oreille moi. Ça m'ouè tout temps, ça m'tende tout temps, c'est li m'ap di nan bouche moi. Et ça m'di nan bouche là, révélé ça gen nan kem nan. Et c'est ça qui a fait changement au porté. Bon, m'ou prendre principe là. Ça m'met nan yeux tout temps, ça m'met nan yeux tout temps, ça m'met nan oreille moi tout temps, c'est lui qui tombe dans le cœur et lui qui a sorti dans la bouche. Si vous avez besoin de qui sac dans la bouche, moi ça que dans géo, moi ça que dans oreille, parce que la rentre dans cœur, il a sorti dans bouche. C'est de l'abondance du cœur, dit la parole, que la bouche parle. Donc ça c'est menu hein, que nous gagnons pour période que nous gagnons pour nous passer ensemble. Mais plutôt qu'on y a pour nous ouvrir cœur nous au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est lui-même qui est le spécialiste par excellence des relations. C'est lui-même qui joue un mandat pour que lui capable guérir les cœurs brisés. Jésus dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Donc, dans le mariage, ou même qui gagne des cœurs brisés déjà, sans besoin pour guérir blessure, le spécialiste qu'on a besoin pour faire travail ça, c'est le Saint-Esprit. Donc, c'est pour ça, dans le moment ça, m'a invité pour unir cœur ensemble avec moi. En nous, ouvrir cœur nous, pour nous quitter, Saint-Esprit a prend place. En nous offrir l'audience ça. En nous offrir tout le monde qui a écouté le message ça, et tout le monde qui a gagné pour écouter lui. En nous bali quatre blanches pour le faire, ça l'île veut faire en dans cœur nous, pour que nous capables de joindre. Ça lui-même lui toujours voulu nous joindre. Le bonheur. En nous inclinant, nous pour une prière. Notre Seigneur et notre Dieu, nous, devant un moment ça, nous uniques, nous unaclot. Parce que vous dites dans la parole là, là où deux ou trois s'assemblent, ou au milieu de eux. Et par moyen ça, dans un moment ça, par la foi, nous assembler devant Pio. Même Jean-Marie, pour nous joindre l'instruction. Saint-Esprit, toi le professeur de l'Église, nous barou que nous n'en moment ça. Nous barou bouche nous. Nous ouvrir audience ça à influence nous. Parler pour que petit tout temps des voix par où. Retirez tout ça qui obstacle. Retirez tout ça qui comme piège sous route nous pendant période ça. Pour que nous capables joindre ce mansa. Que ce mansa tombe dans un terrain qui est bien labouré. Yon terrain qui gagne en grès. Yon terrain qui gagne de l'eau kap la ou kap ouzel. Yon terrain côté la pluie tombe. Côté soleil la pousse, levé sous lit. Pour que chaque graine qui tombe yo, pote 100% le fruit selon ta parole. Père, régnez. Dans que nous chaque cap couteau dans moment ça et que ta parole qui puissante ça veut dire qui a fait tout ça qui doit faire que le possible ou que l'impossible que cette parole chita dans que nous et que nous rentrer dans coalition ça ensemble avec vous pour nous répandre par notre vie par notre discours, le royaume de Dieu, partout où nous passons. Qu'il en soit ainsi, au nom de Jésus, notre Sauveur. Amen. Amen. Nous allons commencer à souhaiter, hein? Nous avons déjà menu. Hein? Et à souhaiter, nous allons commencer le programme pour nous montrer que famille nous, le mariage, la famille que nous créons, doit paraître pour nous ou doit tourner pour nous une priorité. Ma famille, ma priorité. Premier mariage que bon Dieu créé, institué, li fait li dans yon jardin. Bab di nou déjà que tout ça qui dans la Genèse c'est des principes yoyé. C'est comme ça Hébreu a relé Genèse là, livre des commencements. Tout bagay ouè ki gen sous li, wap jwenn ni nan Genèse la. Sous la via nan Genèse. Sous kote peche a soti a nan Genèse. Sous kote peche yo rezoud problème peche a li nan la Genèse. Donc tout reste Bibla, se déroulement bagay yo, men nan Genèse la, ou jwenn tout principe yo. Donc le nou rentre dans la Genèse, nous prenons tout principe. Et premier principe là, nous joignons que le mariage a eu lieu dans un jardin. Mariage là, par une fête, on côté toute bagaille poussée. Non. Un jardin, c'est un côté qui gagne l'ordre. Un jardin, il prépare le terrain, il se plante tel type de graines parce que vous voulez gagner tel type de produit. Mariage là pas un désert, mariage là pas une forêt, mariage là institué dans un jardin. Un jardin côté gagnant un jardinier, côté qui gagnant entourage qui barrel pour bête pas rentrer la donne. Et yon côté que yon toujours arroser, retirer chaque jour mauvais herbe qui vient pour tout faire produit yon. Donc le premier mariage li fait yon côté qui en ordre qui c'est yon jardin. Et jardin ça la Bible l'il Eden. Mot Eden nan, c'est yon mot qui gagne plusieurs significations. Nous pral pendant période là étudier aussi des mots, des termes hébreux et grecs, parce que Bible là nous joigne li transmettre en langue que n'a étudié là en français ou en anglais, en espagnol, en créole, mais il était écrit dans une langue spécifique en hébreu ou en grec. En araméen pour certains bouts la donne. Mais maintenant, mot ça yo yo gagné plusieurs sens. Non tout qui a coûté me déjà connaît moi dit un seul mot c'est un coup un bokit lié. En dans bokit là gagné un bon bagaille. Souvent on longe mais nous prend ça non vle mais pourtant nous quitter tout reste bagaille là dans bokit là. Mais moi gagne plusieurs sens la donne. Donc moi Eden là, il signifie marque, il signifie moment, il signifie présence, il signifie porte ouverte, il signifie délice. Chaque fois on dit le jardin d'Eden, Noé un paradis. Mais là nous mettons tout mot ça ensemble, moi Eden là vous l'ai dit c'est une marque pour le moment où la présence de Dieu est une porte ouverte sur le ciel. En un mot, en grand résumé, Éden, c'est la présence de Dieu. Côté jardin en Yéa, c'est un petit espace, côté bon Dieu Kavini, donc qui représentait ciel là tout. Nous parlons qu'en Éden, même ange qui protégeait bon Dieu en Léa, c'est même yo qui protégeait Eden. Parce que Eden, c'est là côté présence bon Dieu manifesté. Donc, mes côtés bon Dieu créé mariage. Oh, bon Dieu créé mariage dans présence li. En Eden. Et quel que soit mariage qui voulait fonctionner, faut li créer exactement Jean bon Dieu ou elle là en Éden. Ça veut dire dans présence bon Dieu. L'homme et la femme pas capable bien fonctionner en l'absence de Dieu. Si un garçon voulait fonctionner efficacement selon le plan de Dieu, il est obligé rester en Éden. Parce que dès que nous quittons Éden, nous pas le ça puis devant, toute qualité problème paraît en dans mariage là. Adam et Ève, leur étaient dans Éden, ça voulait dire en la présence de Dieu, yo te joui de yon relation qui te caractérisée par l'harmonie, bonne entente, yon relation de paix, chaque fois nous est paix, nous est shalom, shalom le dit entier, rien n'est cassé, rien n'est brisé, rien ne manque, yon relation d'égalité, par yon yon qui te piro que l'autre, et une relation de camaraderie entre Dieu et eux-mêmes. Donc, l'homme est dans bonne relation avec papa lui, bon Dieu, et aussi avec la femme qui t'est créée ensemble avec lui. Donc, gagne bonne camaraderie, bonne entente, harmonie, la paix, à l'intérieur du jardin, en Éden, en la présence de Dieu. Ou pas gagner un côté qui pi bon pour moun rete que dans la présence de Dieu, dans la présence constante de Dieu. Donc, chaque fois nous ouais Éden, ouais présence de Dieu. C'est ça que fait ou ap chercher Éden, ou pas jouen Éden, ou jouen une série de sites que Bible a parlé de yo, mais yo pas rejoindre Eden physiquement. Pour qui raison? Parce que l'Eden, c'est la présence de Dieu. Donc, en Eden, il y a la joie mutuelle. La joie mari, la joie madame. En Eden, il y a l'amour. Et nous allons rentrer dans le programme l'amour. Là. Nous allons comprendre qui ça l'amour. Là. Lorsque bon Dieu dit nous, marcher dans l'amour, et nous parlons, ouais, tout qui ça qui gagne la donne. En Éden, il y a la joie, il y a l'amour, il y a le respect. Youn respecte l'autre. Respect à aller au point que les deux étaient nus, mais pas youn qui parle, ouais, nudité l'autre là comme un problème. Donc, parlons un respect tel que nous parlons comprendre que la gloire de Dieu était environnée, yo. Mais il y avait le respect, l'égalité, et ils étaient, qu'un ça pour moi, unis d'esprit et de chair. À l'intérieur d'Éden, il y a cette unité d'esprit et de chair. Donc, l'Éden, c'est le standard de Dieu pour le mariage. Notez dans le menu, quel est le standard de Dieu pour le mariage? Maintenir le standard de Dieu pour le mariage. Le standard de Dieu pour le mariage, c'est Éden. Frères et sœurs, pour que mariage noue, parce que là, nous en route pour nous comprendre mariage là, nous en route pour nous détecter tout secret mariage là. Pour que mariage nous en réussisse à 100%, nous devons maintenir le standard de Dieu pour le mariage, c'est-à-dire rester avec les qualités du jardin d'Éden. Pas oublier, mot jardin, chaque fois nous avons jardin, nous avons l'ordre. Rester dans l'ordre de l'Éden, l'ordre que bon Dieu établit. Nous allons rentrer dans ça de façon et beaucoup plus élargie. Mais qu'est-ce que ça? Maintenir un mariage heureux, maintenir un mariage dans le standard de Dieu, maintenir un mariage pour faire mariage là, ça, bon Dieu, v'là, faire avec là, faut qu'aucun mariage là dans les qualités de l'ordre du jardin d'Éden. Donc, ça, c'est le premier sac pour être dans l'esprit noir, soya. Éden, c'est là pour mariage moyen, chita. Dans la qualité Éden, dans l'ordre qui est dans le jardin. Ya. Donc, ça peut permettre déjà de commencer à faire recherche pour me connaître qui l'ordre qui est dans l'Éden, qui principe qui est dans l'Éden, qui loi qui est dans l'Éden. Et c'est comme ça pour mariage moyen, rester sous rail là. Rester dans standard là pour avancer comme ça. Aucune des conditions ou des bénédictions ou des promesses qui accompagnaient mariage là à l'intérieur de l'Éden, yo pas garanti l'homme quitter Éden, me tomber dans l'autre côté, dans l'autre bout là. Promession yo garanti pour jardin à l'intérieur de l'Éden. Promession, bénédiction yo. Toute condition pour bien vivre là, li doué maintenir en dans Éden. Donc, ça veut dire qui ça? Si me sorti mal dans la rue, me quitter jardin, me passer clôture à l'autre côté, me pas besoin d'attendre moins que me pral dans l'autre bout là et puis traîner bénédiction ou rejoindre l'autre bord. Il pas marché comme ça. Bénédiction a été en dans jardin. Jardin assez grand, là c'est large. Gain 4 fleuves qui environnent, qui balle toute ça qu'il a besoin. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Et il y en a à masse, à gogo. Mais moi, je dois rester à l'intérieur du jardin. Parce que depuis que je suis sorti dans le jardin, je suis tombé dans le mensonge, je suis tombé dans l'excuse. Songez premier, action, garçon, comment c'est dit, c'est pas moi-même, c'est madame. Non. Excuse, mensonge tombé, blâme tombé, et yon a blâmé l'autre. Nous parlons plus devant, c'est yon a poison dans la famille. Les madame a blâmé Marie, Marie a blâmé madame. Et, yon bagay qui passait là, à l'extérieur de l'Éden. Et c'est ça pour nous pour laisser comprendre à soi. Hein? À l'intérieur de l'Éden, ils étaient unis d'esprit et de chair. Nous allons comprendre ça. Mais à l'extérieur de l'Éden, il y a l'union, l'unité seulement de chair, pas d'esprit. Pour quelle raison? Parce que à l'extérieur de l'Éden, on va avoir un autre esprit. C'est l'esprit de la division. Après la chute, l'humanité devient sous le contrôle de l'esprit de ce monde. Premier texte n'a pli, hein? Nous joignons dans 1 Corinthiens 2, verset 12. Notez et regardez pour nous. Hein? 1 Corinthiens 2, 12, il dit, or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin de savoir ce que Dieu nous a donné par grâce. Ça, nous pas chercher dans verset ça. Nous pas chercher que dans verset ça, gagnant, ça y aurait l'esprit du monde. Et à l'extérieur de l'Éden, les couples vivent maintenant sous le contrôle de l'esprit du monde. Et l'esprit du monde n'est pas là pour unité, mais il est là pour la division. Mais il y a une raison qui fait, parce que la gombaga nous va l'apprendre là, mais il y a une raison qui fait un pile mariage échoué, un pile mariage a échoué, parce que la parole de Dieu, c'est la vérité. Vous avez une souk à comprendre, samedi kounia là, que la parole de Dieu, c'est la vérité. Et la parole de Dieu, pas qu'il y a aucun monde qui est capable de corrompre lui. Je vais reprendre samedi. Je vais reprendre lui avec plus force pour nous comprendre lui. La parole de Dieu, la Bible l'appelle une parole incorruptible. corruptible. Ça veut dire ou pas qu'à corrompre parole bon Dieu. Hey, ça ben en veut dire là, ben moi dire pour comprendre. Ou capable prendre un verset ou créer une doctrine avec verset. Donc ça fait là ou faire une doctrine à converser. Mais parole bon Dieu a ou pas corrompre. Parce que Jésus pral dit carrément dans Matthieu 15, Matthieu 15 verset 13, toute plante que n'a pas planté mon Père céleste sera déracinée. Mais problème là. Ouais, quelle que soit doctrine qu'on prend vers son fait avec, tout ça que pas planté par papa l'a déraciné. Mais parole là, pas jamais déraciné. Elle est incorruptible. Donc pas bah être problème là on a prouvé c'est fait ça la veille on est dit lui m'bord devant parce que en bas montagne là l'a campé quand même. Alors la parole de Dieu c'est une parole qui est fiable. Qui ça lui dit? Parole la dit ceux qui sèment pour la chair moissonnent de la chair la corruption. Galates chapitre 6, verset 8. Monde qui semé pour la chair, moissonné la destruction. La corruption, c'est la destruction. Et en Éden, il y a l'unité d'esprit et de chair. À l'extérieur d'Éden, il n'y a plus l'unité d'esprit. Pour quelle raison? Parce que l'esprit est mort. Seul ça qui était, c'est l'unité de chair. Et tout mariage qu'a fait à l'extérieur de l'Éden, ce sont des mariages de chair. Là, nous rentrons dans une plan dans menu nous, mariage charnel et mariage spirituel. Tout mariage qui fait à l'extérieur de l'Éden, à l'extérieur de l'Éden, v'lait dit, à l'extérieur de la présence de Dieu. Ce sont des mariages charnels. Et tout ça qui charnel, l'y voué à la destruction. La destruction, c'est la division. C'est la corruption. Voyez votre divorce là-dedans. Donc, premier bagaille pour nous songer, hein. Le mariage n'est pas là pour unir les deux esprits. Waouh! Moi, j'ai un bagaille là qui est très simple. Que tout jeune noyau qui est sous l'île là, pour juste comprendre ni. Sans pas besoin de gourmet avec nous. Oui, généralement, on a goumé à jeunes garçons, goumé à jeunes filles. Et nous dit yo, la Bible dit non, et pas aller dans relation avec les infidèles, pas grand rapport à lumière et ténèbres. Chaque jour, on a goumé à jeunes pour ça. Attendez, jeunes gens, on a goumé avant. Ouais, moi-même, on pas goumé avant. Attendez bien ça. Le mariage n'unit pas les deux esprits. Si tu es fils de Dieu, tu as l'esprit de Dieu. Si tu n'es pas fils de Dieu, tu as l'esprit du monde. Deux esprits, ça y est, le mariage ne peut pas les unir. Parce que la Constitution dit clairement, il n'y a aucun rapport entre la lumière et les ténèbres. Yo deux a pas qu'à marcher ensemble. Yo deux a pas qu'à et by main dans la main. Jamais. Donc, le mariage n'unit pas les deux esprits. Or, c'est l'esprit qui donne la vie. C'est l'esprit qui, dans le mariage là, qui baille soit la vie, soit la mort. La vie de longs jours dans le mariage donne le bonheur. Nous parlons verset A qui parle dit non. Ou même qui besoin de longs jours, mais ça pour faire. Nous parlons découvrir tellement de bagages, hein, tellement de choses à découvrir. Ou si vous pas gagné la vie, ou bon, l'autre esprit lui-même lui baille la mort. L'esprit qui baille la mort là, travail lui, c'est la mort. C'est la destruction. C'est la division. C'est cœur brisé. C'est stress. C'est toute qualité problème qui entoure lui, finalement, qui aboutit à la destruction, au divorce. Deux esprits, ça, yo pas qu'à marcher ensemble. Donc, si toi, tu es de l'esprit de ce monde, ou pas capable d'entrer en relation mariage avec quelqu'un qui est dans l'esprit de Dieu. C'est, nous deux, pas capable de marcher ensemble. Deux taureaux, ça, yo pas qu'à arrêter dans la même savane. Et, attendez bien, le mariage n'unit pas les deux esprits. Le mariage qui fait à l'extérieur d'Éden pral unit seulement les deux chairs. Parce que Satan pas capable de lier avec propre Satan pareil. Jésus dit pour principe là. Parce que dans le royaume, Satan n'est pas capable d'unir. L'unité n'est pas possible dans le royaume du monde là. C'est divisé pour régner. C'est comme ça le principe yo a yé. Donc, si vous avez une unité, vous pouvez joindre de l'autre côté. De l'autre côté, c'est division. Quel que soit et bel programme là, mais à la racine, vous pouvez joindre division à la donne. Alors, qu'est-ce qui est important pour noter? Frères et sœurs, à l'extérieur de l'Éden, le mariage pas unir les deux esprits, mais unir seulement les deux chairs. Là, c'est charnel. Charnel, ou destination charnel là, c'est la destruction. Donc, mariage ou son mariage ou besoin qui réussit, pour le réussir, il est obligé spirituel. Il est obligé dans l'esprit qui est en la présence de Dieu. Il est obligé en Éden. Et c'est ça qu'on va le découvrir. Si mariage moyen, il y a l'extérieur de l'Éden, qui j'en pour me faire, qu'on y a pour moi, casser volant, pour me rentrer mariage là, en Éden, dans la présence de Dieu. Nous pas capable, prend yon moun qui pas déjà en la présence de Dieu, pour même poil union avec elle. Union ça, c'est une union charnelle. Ni pas matché. Mais si c'était sous ça en pile la soya, parce que faut que nous commencer par le commencement. Après période ça, gon série de mariages qui pas obligé fait encore. Après période ça, gon série de problèmes que nous gagne en mariage que nous pas obligé gagner encore. C'est pour ça nous là. Nous pas là pour juste parler, Bon oui, que faut nous parler non, nous pas là pour ça. Nous pas parler juste pour nous parler. C'est pour ça mando pour retendre, et relayer responsable yo pour compte qui gens pour capable rejoindre, retendre pour que changement capable porter dans la vie et pour gloire là monter comme un parfum d'agréable odeur aux yeux de l'Éternel notre Seigneur. Donc zamim asoya, c'est là nous commencer. Mariage roi li obligé fait dans le jardin. Mariage roi obligé fait dans la présence de Dieu pour le capable construit, pour le capable rester, pour le capable surpasser toute épreuve, tout vent, toute marée qui pral déchaîner contre mariage. Il est important pour nous, pour que nous établissions mariage nous en déjà en Éden. Donc, pour nous créer des relations stables, nous obligés de gagner, attention nous sous Éden. Donc, si nous sommes citoyens et citoyennes du royaume de Dieu, donc, l'important pour nous, pour que nous montrer de Yahwa, l'autre monde qui attend de nous, l'autre monde qui pourrait nous montrer comment l'amour de Dieu manifesté. Les amis, nous allons rentrer qu'on y a dans pour qu'ils nous marier. Donc, nous avons un mariage, nous installer mariage là, en Éden. Mais là, nous parlons pour qu'ils nous marier. Si nous sommes citoyens du royaume de Dieu, bon Dieu remet nous, nous là nous-mêmes pour nous témoigner au monde c'est quoi l'amour de Dieu. Montrer au monde là, qui gens l'amour de Dieu a yé, qui gens l'amour de Dieu a manifesté. Et c'est nous-mêmes que bon Dieu gagne sous terre pour faire ça. Si nous voulons montrer, alors premièrement, il faut que nous-mêmes nous vivons, nous comprenons, nous discernons, ça veut dire nous identifier à qui point bon Dieu remet nous. Et ces mêmes gens, attendez bien ça me pral dit là, même intensité, l'amour bon Dieu gagne pour nous. C'est lui-même tout, même intensité, l'amour ça, nous pral transmettre à yon moun. Yon garçon, ou bien yon femme. Bon, moi prendre ça. Mariage, c'est qui ça? C'est l'amour bon Dieu gagne pour moi. L'intensité de cet amour. L'Éphésien pourra le parler moins de connaître la hauteur, la largeur. On lit. On a l'Éphésien un moment. Éphésien chapitre 3, à partir du verset 18, nous lisons. Pour que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Mais premier bagage là, faut me connaître à qui hauteur, qui largeur, qui épaisseur, qui profondeur l'amour de Dieu gagnant pour moi. Et c'est cet amour qui surpasse toute connaissance que je peux transmettre à un garçon, à une femme. Bon, moi prendre ça. Ouais, pas aller rapide avec nous, hein. Parce que là, nous pral, n'a pas obligé poser des bases, fondements pour mariage là. Premièrement, mariage là, faut qu'il y ait en Éden, en la présence de Dieu. Et dès que il y a la présence de Dieu, ça veut dire nous environnés par l'amour. L'amour, c'est lui-même qui pral et l'oxygène en dans l'air, hein. Ouais, oxygène est que nous en vie. Donc l'amour prend l'oxygène dans jardin, hein. Et texte l'a dit pour que nous comprenions avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Donc, Zamim, Marie, Madame, mais pour quelle raison mariée? Ou mariée pour montrer fils à? Mais tout ça, l'amour de Dieu aille. Mais toute longueur, l'amour bon Dieu. Mais toute largeur, l'amour de Dieu. Mais toute profondeur, l'amour de Dieu. Mais toute hauteur, l'amour de Dieu. Mais quel que soit bout là, ou pral montrer mon nom, qui ça l'amour de Dieu aille. En Jean 4, 18, en Jean 4, 16, pral dit nous, Dieu est amour. Dieu est amour. Donc, si m'est capable de montrer mon nom, la largeur de l'amour, ça veut dire c'est la largeur de Dieu. La longueur de l'amour, la longueur de Dieu. La hauteur de l'amour, la hauteur de Dieu. La profondeur de l'amour, la profondeur de Dieu. Donc, moi, là, pour montrer, madame, ça, dans toute bout, qui ça, bon Dieu, aïe. Moi, là, pour montrer, Marie, garçon, ça, dans toute bout, qui ça, l'amour bon Dieu a yé. En un mot, qui ça bon Dieu a yé? Mais ça, le mariage là yé. Oh, mariage là, c'est un programme du royaume de Dieu qui pral montrer nous qui ça l'amour bon Dieu a yé de façon pratique. Mais pour ça, nous marions dans la caille là. De façon pratique, qui ça l'amour bon Dieu a yé? Donc, c'est pour ça que ça, mariage ou a, ou obligé contre principe, pour que l'y réussit. Et l'y réussit pour faire la gloire de Dieu paraître. Donc, dans le mariage là, nous, yon ak l'autre, nous pas apprendre la patience. Pas oublier, l'amour est patient, Dieu est amour. Nous pas comprendre, côté baga yon rentre yon dans l'autre, yon rentre yon dans l'autre, yon pas faire l'autre agir, yon pas faire l'autre fonctionner. Pour que nous avancions bien. Donc, on va apprendre dans le mariage là, la patience, la sagesse, l'amour. On va apprendre la discipline. On va apprendre le sacrifice. On va apprendre la vraie humilité. Nous tous connaissons déjà. La vraie humilité, c'est pas rabaisseau, c'est pas doux par rien. Ou pas doux par rien, le Jésus doux ou sauvé. Le Jésus doux, c'est petit, ou pas doux par rien. Donc, la vraie humilité, c'est pas rabaisser figure, non. C'est pas doux par rien. Non, c'est pas ça que la vraie humilité. Le mariage parle fort comprendre qui ça, ça veut dire la vraie humilité. Et nous tous connaissons, dit-il déjà, si vous besoin ou à qui point ou orgueilleux, rentrez dans le mariage. Si vous besoin ou à qui point ou égoïste, rentrez dans le mariage. Parce que le mariage là, il parle fort ou ça, parce que l'amour, qui c'est de l'eau qui a coulé en dans le mariage là, c'est l'oxygène qui a coulé dans le jardin, hein. L'amour, n'est pas égoïste. Donc, si vous êtes égoïste ou besoin à qui niveau égoïste, rentrez dans l'amour. Rentrez dans le programme l'amour. Hein, l'amour, on peut tout ça, pas marcher là, parce que l'amour n'est pas égoïste. Alors, nous pouvons rester là pour aujourd'hui. Mais rappelez-nous d'une chose. Mariage là, pour le réussir, l'obligé fait en Éden. C'est-à-dire dans la présence de Dieu. Mariage là, il est là pour révéler à qui point bon Dieu est même et c'est amour ça, l'homme fin détecter l'amour. Donc pour marier, premier ça me fait, pour marier, faut me connaître qui Jean bon Dieu est même. Si me pas connaître qui Jean bon Dieu est même, me pas qualifié pour marier. Et si je ne pas contre qui Jean bon Dieu est même, je ne pas qualifié pour mariage. Parce que dans le mariage là, ça me va le faire. Je vais le montrer la longueur de l'amour de Dieu, la hauteur de l'amour de Dieu, la profondeur de l'amour de Dieu, la hauteur de l'amour de Dieu. Donc, si je ne peux pas contre l'amour bon Dieu, m'a pas carrément fille, m'a pas carrément garçon, parce que Jésus pral dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Donc, sous besoin qu'on ait, qui Jean pourrait aimer, Marie, il faut qu'on déjà qui Jean bon Dieu aime. Si ou pas qu'on qui Jean bon Dieu aime, ou pas carrément madame, ou pas carrément Marie, c'est impossible. Le texte l'a dit, aime ton prochain. Tu aimeras, aimez-vous les uns les autres, Jean chapitre 13, aimez-vous les uns les autres, comme, même Jean, comme je vous ai aimé. Nous allons arrêter là aujourd'hui, hein. Mais invitez-nous à prendre temps nous pour nous méditer ensemble et bailler le Saint-Esprit, l'espace. Bailler l'espace. Parce que il dit dans Isaïe 1er verset 19, nous lit, si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Si vous êtes prêt à obéir, si vous êtes disposé à voir ce que le Seigneur dit et à obéir, il dit, vous mangerez les meilleures productions du pays. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.